Premier livre des Chroniques, chapitre 12. Or ce sont ici ceux qui allèrent trouver David à Tsikla, lorsqu'il y était encore enfermé à cause de Saül fils de Qui, et qui étaient des plus vaillants, pour donner du secours dans la guerre, équipés d'arcs, se servant de la main droite et de la gauche à jeter des pierres, et à tirer des flèches avec l'arc. D'entre les parents de Saül, qui étaient de Benjamin, Ahiézer le chef, et Joa, enfant de Semaa, qui était de Giba, et Jéziel, et Pelé enfant d'Azmavet, et Beraka, et Jéhuanatotite, et Jismajagabaonite, vaillant entre les 30, et même plus que les 30, et Jérémie, Jahaziel, Johanan, et Josabag et Dérotite, Elusaï, Jérimoth, Béalia, Semaria, et Sephatia Arufien, Elkana, Jizija, Azareel, Joézé et Jazobam Corite. Et Joéla et Zébadia, enfants de Jéroam de Guédor. Quelques-uns aussi des Gadites se retirèrent vers David, dans la forteresse au désert, hommes forts et vaillants, experts à la guerre, et maniant le bouclier et la lance. Leurs visages étaient comme des faces de lion, et ils semblaient des daims sur les montagnes, tant ils couraient légèrement. Ézé le premier, Obadia le second, Eliab le troisième, Mismana le quatrième, Jérémie le cinquième, Ataï le sixième, Eliel le septième, Johanan le huitième, Elzaba le neuvième, Jérémie le dixième, Magbanaï l'onzième. Ceux-là d'entre les enfants de Gath furent capitaines de l'armée, le moindre avait la charge de 100 hommes, et le plus distingué, 2000. Ce sont ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, autant qu'il a accoutumé de se déborder sur tous ses rivages, et ils chassèrent ceux qui demeuraient dans les vallées, vers l'Orient et l'Occident. Il vint aussi des enfants de Benjamin, et de Juda vers David à la forteresse. Et David sortit au devant d'eux et prenant la parole, il leur dit, « Si vous êtes venus en paix vers moi pour m'aider, mon cœur vous sera uni, mais si c'est pour me trahir, et me livrer à mes ennemis, quoique je ne sois coupable d'aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie, et qu'il en fasse la punition. » Et l'Esprit revêtit Amasaï un des principaux capitaines, qui dit, « Que la paix soit avec toi, ô David, qu'elle soit avec toi, fils d'Isaïe, que la paix soit à ceux qui t'aident, puisque ton Dieu t'aide. » Et David les reçut, et les établit entre les capitaines de ses troupes. Il y en eut aussi de ceux de Manassé, qui s'allèrent rendre à David, quand il vint avec les Philistins pour combattre contre Saül, mais ils ne leur donnèrent point de secours, parce que les gouverneurs des Philistins, après en avoir délibéré entre eux, leur envoyèrent, en disant, « Il se tournera vers son seigneur Saül, au péril de nos têtes. » Quand donc ils retournaient à Tsikla, Adna, Josaba, Jediael, Michael, Josaba, Elihu, et Tsiyotaï, chefs des milliers qui étaient en Manassé, se tournèrent vers lui. Et ils aidèrent David contre la troupe des Amalécites, car ils étaient tout forts et vaillants, et ils furent faits capitaines dans l'armée. Et même à toute heure il venait des gens vers David pour l'aider, de sorte qu'il eut une grande armée, comme une armée de Dieu. Or ce sont ici les dénombrements des hommes équipés pour la guerre, qui vint vers David à Hébron, afin de faire tomber sur lui le royaume de Saül, suivant le commandement de l'Éternel. Des enfants de Juda, qui portaient le bouclier et la javeline, 6800, équipés pour la guerre. Des enfants de Siméon, forts et vaillants pour la guerre, 7100. Des enfants de Lévi, 4600. Et Jéhojada, conducteur de ceux d'Aaron et avec lui 3700. Et Tsadok, jeune homme fort et vaillant, et 22 des principaux de la maison de son père. Des enfants de Benjamin, parents de Saül, 3000, car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux, avait tâché de soutenir la maison de Saül. Des enfants d'Ephraïm 20800, forts et vaillants, et hommes de réputation dans la maison de leur père. De la demi-tribu de Manassé 18000, qui furent nommés par leur nom pour aller établir David roi. Des enfants d'Issacar, fort intelligents dans la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 de leurs chefs, et tous leurs frères se conduisaient par leur avis. De Zabulon, 50000 combattants, rangés en bataille avec toutes sortes d'armes, et gardant leur rang d'un cœur assuré. De Nephtali, 1000 capitaines, et avec eux 37000, portant le bouclier et la hallebarde. Des Danites, 28600, rangés en bataille. D'Azé, 40000 combattants, et gardant leur rang en bataille. de ceux de la Le Jourdain, savoir des Rubénites, des Gadites, et de la demi-tribu de Manassé, si 20 000, avec tous les instruments de guerre pour combattre. Tous ceux-ci, gens de guerre, rangés en bataille, vinrent tous de bon cœur à Hébron, pour établir David roi sur tout Israël, et tout le reste d'Israël était aussi d'un même sentiment pour établir David roi. Et ils furent là avec David, mangeant et buvant pendant 3 jours, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui étaient les plus proches d'eux jusqu'à Issacar, et Zabulon, et Nephtali, apportaient du pain sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets, et sur des bœufs, de la farine, des figues sèches, des raisins secs, du vin, et de l'huile, et ils amenaient des bœufs, et des brebis en abondance, car il y avait joie en Israël.